Se disputer. Exercice 3. Bonjour. Excusez-moi, monsieur l'agent, mais c'est ma voiture. Il y a un problème ? Bonjour. Eh bien, vous allez avoir une contravention de 11 euros. Vous êtes en zone de stationnement payant et votre ticket n'est pas valable. Comment ça, il n'est pas valable ? Ah, mais j'ai pourtant mis un ticket, regardez ! Oui, mais il était valable jusqu'à 16h, et il est 16h10. Ah non, mais enfin, c'est impossible ! 11 euros d'amende pour 10 minutes de retard ! Non, je suis pas du tout d'accord. Vous ne pouvez pas faire une exception ? Ah non, je suis désolé, mais c'est comme ça. Je ne peux rien faire pour vous, c'est la loi. Ah non, mais je proteste ! Il doit y avoir une solution ! Écoutez, ça ne sert à rien de discuter, je ne fais que respecter les consignes. Au revoir. Au revoir, mais franchement, je trouve que vous exagérez.